Yeah man, Dread Squad Redeem Production. T'entends ça? Dans le Valdez. Spécialement dédicacé à tous les big boss, tous ceux qui se la pètent au sommet et qui tomberont si vite. Badman, Ayaya, Jano, Bad Boy, Gangster des bacs à sable, Cool Down Yon Tempa. Et c'est la même pour le flic et les contrôleurs Ripou. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus chambé. Tout le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus chambé. Tu contrôles le biz, tu es respecté, faut mieux pas te tester. Ça fait longtemps que dans la place tout le monde te connaît. Quand tu prends la parole, faudrait mieux pas te couper. T'es trop important pour qu'on vienne te bousculer. Encore tes victimes, on ne t'oublie jamais. Si il faut te croiser un jour sur ton chemin, autant que ce soit pour toi, oui un jour bien. Car si pas malheur dans tes affaires on intervient. Pour voir demain, faudrait mieux s'enfuir, partir loin. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tout le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tu contrôles le biz, tu es respecté, faut mieux pas te tester. Tu sors ton gueule quand on te dit que tu joues le malin. Tu montes en flèche quand on t'adresse la parole pour rien. Les embrouilles sont vite réglées, tu sais y mettre du tien. Avec le couteau tu punis les tiens si ce n'est pas les mains. Si le sang coule avec toi c'est pas en vain. Encore quelqu'un t'a jeté du train parce qu'il ne valait rien. On te demande permission quand on veut vivre bien. Celui qui ose contredire sera pu au mettre ses reins. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tout le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tu contrôles le biz, tu es respecté, faut mieux pas te tester. Mais main tu t'es pris pour qui? Pour jouer avec la vie des tiens. Combien de temps encore tu continueras? Tout est l'air sain. T'es l'envoyé du malin, vraiment tu ne comprends rien. Plus rien aujourd'hui ne t'empêche de te salir les mains. Pourtant on ne souhaite pas le mal mais uniquement le bien. As-tu oublié que sur cette terre tu n'es rien? Cool Down, ne t'aime pas avant que tu ne perds vraiment ton chemin. Jano seul ce qui arrivera, ce qu'il t'arrivera à la fin. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tout le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tu contrôles le biz, tu es respecté, faut mieux pas te tester. T'as compris le message, Youthman? Et même si tu traînes dans la rue, la street, yeah man, c'est positive action every time. Demande la force au tout-puissant, pour faire quelque chose de grand, toujours conscient, Et pas finir dans le néant. Non, non.